إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله متخشف خير bien aimé, je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée du samedi le 9 Sha'ban 1443 de l'Hégire, correspondant au 12 mars 2022. Par la grâce d'Allah, nous avons pu finir ce livre de l'imam Ibn Qudama, dans lequel il a parlé du blâme du waswas. Et aujourd'hui, nous allons parler dans ce cours de certains remèdes très important à connaître pour tout musulman, des remèdes de l'waswas, des remèdes prophétiques et des conseils pratiques des hommes de science concernant cette maladie où sont rares les personnes qui en sont épargnées. D'où l'importance de connaître ces remèdes et de les propager dans notre entourage, afin de combattre ce grand ennemi de l'être humain qui est Shaitan. Donc, comme on a vu dans ces cours, que le waswas, il peut toucher le croyant, et le waswas, il ne touche que les gens dans lesquels il y a du bien. Shaitan, il s'attaque aux personnes dans lesquelles il y a du bien. Et ça, ça peut être déduit du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, de ce compagnon qui a eu une certaine forme de waswas par rapport à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, lui a donné le remède, il l'a mis en pratique et c'est parti aussitôt. C'est pour ça que je dis toujours, le waswas, c'est une maladie facile à guérir si on la soigne dès son début et on suit les remèdes prophétiques. Et plus ça reste dans la personne, plus il la néglige ou moins il prend en considération les recommandations prophétiques à ce niveau, plus ça peut se transformer en une maladie grave et difficile à guérir. Mais rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le serviteur y revient vers lui avec sincérité et véracité, et quand il est armé en plus d'une détermination et d'une volonté à ne plus obéir au shaitan, car le waswas en général c'est une obéissance au shaitan, comme nous l'avons vu à travers les paroles de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah. Quand la personne a cette détermination et elle se retourne sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes ont été victimes de l'waswas pendant des dizaines et des vingtaines d'années et plus, et quand ils étaient guéris, c'était en laps de quelques secondes. Donc le waswas, ya ikhwa, ça peut toucher le croyant dans le domaine de l'aqida, comme c'est arrivé à ce compagnon, radiyallahu anhum, tous, qu'Allah les agrée tous. Ça peut toucher le croyant dans le domaine de la purification. Et c'est un des domaines les plus répandus dans lesquels l'ouswas est propagé. Ça peut le toucher également dans salat. Ça peut le toucher dans sa nourriture et sa boisson. Ce qu'il mange, ce qu'il boit, ça peut le toucher dans tous ses faits et gestes. Ça peut le toucher dans son foyer, avec son épouse, avec ses enfants. Donc l'ouswas, c'est un phénomène qui peut toucher le croyant dans tous les domaines. Mais ce qui est important, c'est de faire les causes pour soigner cette maladie, comme toutes les maladies. Avant de la soigner, il faut réaliser et diagnostiquer la maladie et réaliser que c'est une maladie. Ensuite, chercher le remède et le mettre en pratique et la personne sera guérie aussitôt bi'idhnillahi ta'ala. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala permet au serviteur de connaître le remède de cette maladie et qu'il est armé d'une volonté et détermination, il sera guéri avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui abandonne les remèdes qui sont cités dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam avec les conseils des savants, qui ne s'en veuille qu'à lui-même. Et comme c'est rapporté dans le hadith, le croyant, il affaiblit son shaitan. Chacun de nous a un qarin parmi les anges et un qarin parmi les shayatin. Et le croyant, avec son shaitan, il l'affaiblit, il l'épuise. Le Nabi alayhi salam a dit, « Inna al-mu'mina layundi shaytanahu kama yundi ahadukum ba'irahu fi safar. » Ça a été jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimallah. Le Nabi alayhi salam nous dit que le croyant, il affaiblit, il épuise, il rend maigre son shaitan, comme l'homme dans un voyage, dans un long voyage, à dos d'un chameau. Vous avez vu comment il devient le chameau, ou là la monture d'une manière générale, quand la personne, elle l'utilise dans un long voyage, dans le désert, elle devient maigre, faible, épuisée, affaiblie. Le shaitan du croyant devient de même avec lui. Car le croyant, dès qu'il se réveille, il fait adhkar sabah. Yani, il fait adhkar sabah le matin après salat al-fajr. Dès qu'il se réveille, il fait adhkar istiqab. Adhkar du réveil. Et il ne cesse de passer d'une adoration à une autre jusqu'à ce qu'il vient dans sa couche pour dormir. Et là encore, après avoir fait adhkar al-masa, il fait adhkar al-naum avec lesquels il termine sa journée. Et shaitan, ce qui le renforce, ce sont les péchés. Et ce qui l'affaiblit, ce sont les adorations d'une manière générale, notamment al-dhikr, qui vient à la tête de ces adorations. Et al-dhikr, c'est un tawhid pur. Donc, avant de rentrer dans les détails, on va citer le remède prophétique qui a été rapporté par rapport à cette maladie dans hadith Abbad ibn Tamim, selon Muhammad, Abbad ibn Tamim, selon Abd, qui est un compagnon qui a participé dans la bataille de Badr. Selon le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي رواية أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة قال لا وعند الإمام أبي داود إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف. الله أكبر. Donc, écoutez bien ce hadith, car c'est la base de tous les remèdes. Et tout ce que tu peux citer, en réalité, il est ou bien une déduction de ce hadith, une compréhension de ce hadith, ça revient à cette base. Car ce hadith, c'est la base dans le domaine des doutes. C'est la base dans le domaine des doutes. Donc, selon Abbad ibn Tamim, est-ce que c'est un tabi'i ou un compagnon? Il y a une divergence. En tout cas, il rapporte de Abd, qui est un compagnon, sans aucun doute, à son tour, qui rapporte du prophète, alayhi sallam, qu'il a été interrogé, ou quelqu'un s'est plaigné au prophète, alayhi sallam, que pendant sa salat, il pense que quelque chose est sorti de lui. C'est-à-dire qu'il a perdu les ablutions, la sortie d'un gaz, ou la sortie d'une goutte d'urine. En tout cas, il a des doutes. Donc, c'est arrivé aux compagnons d'être touchés par un waswas au niveau de salat, des ablutions, de l'atiqad, la croyance, mais dès que le remède a été donné, ils l'ont mis en pratique. Contrairement à ce qui peut nous arriver à nous. Tayyib. Donc, il s'est plaigné au prophète, alayhi sallam, de ce problème qu'il avait. Il pense que quelque chose est sorti de lui. Dans la salat. Est-ce qu'il interrompt sa salat? La réponse du prophète, alayhi sallam, il a dit non. Il a dit non. N'interromps pas ta salat. Jusqu'à ce que t'aies la certitude. C'est ça le sens. La compréhension, c'est n'interromps pas ta salat avec des doutes, jusqu'à avoir une certitude. Et dans la première version, il a dit, il n'interrompt la salat jusqu'à entendre un bruit ou sentir une odeur. Donc, le Nabi alayhi sallam a donné deux points. S'il n'y a aucun des deux, on ne tient pas compte de cette sensation, de cette impression de sortie de gaz ou de sortie d'urine, on la calcule pas. Et on continue notre salat. Et dans une autre version de l'imam Abu Daoud, ce compagnon a dit au prophète alayhi sallam, yani il s'est plaigné du même phénomène, Nabi alayhi sallam lui a dit, quand l'un d'entre vous trouve cela dans sa salat, et qu'il ressent comme un mouvement au niveau de son derrière. Yani, comme on a vu dans un hadith, Shaitan, il vient au croyant dans sa salat, et qu'est-ce qu'il fait? Il tire un poil du derrière afin d'avoir l'impression d'une sortie de gaz. Shaitan, il fait tout pour te faire sortir de ta salat. Et quand il n'y arrive pas, il commence à te donner l'impression que tu as perdu tes ablutions. Ou dans d'autres cas, la personne, elle commence sa salat avec une envie d'aller aux toilettes, une envie d'aller uriner ou autre. Mais elle se dit, c'est une envie à son début, je vais quand même faire salat et après je vais y aller. Et ça, c'est une erreur. Shaitan, il profite de cette erreur. Et au début, il te laisse jusqu'à ce que tu arrives dans la deuxième raka'a ou la troisième. Et là, il vient, si c'est l'urine, il vient, il appuie sur la vessie. Il augmente cette envie. Il te perturbe dans ta salat. Au minimum, tu seras perturbé. Et il te fait tomber dans des doutes. Est-ce que quelque chose est sorti? Est-ce que c'est pas sorti? Et tout ça, le remède prophétique pour tout cela, c'est d'aller faire ses besoins avant d'aller faire sa salat. Et de se préparer bien en avant. De ne pas attendre la dernière minute. Si tu as des envies, tu vas d'abord te soulager et ensuite tu fais ta salat pour mettre toutes les chances de ton côté d'avoir un maximum de khushu' et de ne pas donner au shaitan la possibilité de te perturber dans ta salat. Tayyib. Donc ça c'est hadith Nabi alayhi salatu wassalam. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak a dit إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه الله أكبر. C'est une parole en or. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, le grand tabi'i, il a dit, quand la personne doute d'avoir perdu ses ablutions, c'est pas une obligation pour elle de renouveler les ablutions. Jusqu'à avoir une certitude. Jusqu'à avoir une certitude. Et c'est quoi la certitude? C'est ça, yani, le faïda de cette parole. C'est de nous déterminer ce que c'est la certitude. Et ça, ça a été rapporté dans la parole de plusieurs salafs. C'est quoi la certitude? Il a dit, jusqu'à avoir une certitude sur laquelle il peut jurer. Si tu lui dis « jure que c'est sorti de toi quelque chose », il jure facilement, sans avoir de crainte de jurer sur une chose qui n'est pas réelle. Contrairement au muwaswis, il pourra jamais jurer. Pour lui, il pense, mais peut-être, peut-être pas, c'est les doutes. Amma la certitude, c'est ça. Ça, c'est une faïda, notez-la bien. Car elle est précieuse. C'est quoi la certitude? C'est d'être capable de jurer par Allah que c'est sorti de toi. À ce moment, tu vas renouveler tes ablutions. Et ça a été rapporté dans le Musnad, selon Abi Saïd, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « إذا جاء أحدكم الشيطان في صلاته » أو إذا جاء الشيطان أحدكم في صلاته فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت ما لم يجد ريحا بأنفه أو يسمع صوتا بأذنه. الله أكبر. Regardez comment c'est clair et explicite. النبي صلى الله عليه وسلم, comme c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, hadith jugé sahih li ghayrihi, authentique, par l'imam al-Albani. Il a dit, quand Shaitan il vient à l'un d'entre vous, il lui dit, t'as perdu tes ablutions. Il lui dit, t'as menti. Tant qu'il n'a pas senti une odeur avec son nez, ou entendu un bruit avec ses oreilles. Regardez comment le Nabi alayhi salatu wassalam, il est explicite. Yani, on entend, c'est clair qu'on entend avec les oreilles. Et on sent avec le nez. Mais pourquoi le préciser? C'est pour confirmer ce sens. Et c'est pas tu penses ou j'ai entendu que... Yani, t'as entendu une chose, tu peux jurer que j'ai entendu la sortie d'un gaz. Donc, les hadith, dans ce sens-là, sont nombreux. Tous, ils nous démontrent que l'adoration est authentique, l'adoration est valide, tant qu'on n'a pas la certitude d'avoir perdu nos ablutions. As-salat est valide jusqu'à avoir la certitude que tu as perdu tes ablutions. Et la certitude, c'est d'arriver à ce point d'être capable de jurer que tu as perdu tes ablutions. Dans un autre hadith également, dans l'authentique de l'imam muslim, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, quand l'un d'entre vous doute dans sa salat. Donc ça c'est hadith par rapport au nombre de rak'a. Quand l'un d'entre vous doute dans sa salat, jusqu'au point de ne pas savoir est-ce qu'il a prié 3 ou 4, qu'il rejette le doute et qu'il se base sur la certitude. Qu'il rejette le doute et qu'il se base sur la certitude. Donc le doute, c'est la 4e rak'a. La certitude, c'est la 3e. Quelqu'un qui doute entre le fait d'avoir fait 3 ou 4, dans les 2 hypothèses, il a fait 3. Mais 4, c'est dans une et pas dans la première. C'est pour ça, 4 rak'a, c'est le doute. Et 3, c'est la certitude. Donc il va rejeter le doute et il va se dire qu'il a fait 3 et il finit 4e et ainsi sa salat se termine avec ce jeu de sahou, bien évidemment. Ça, c'est pour quelqu'un qui est dans un état normal. Quelqu'un qui devient touché par le waswas, qui arrive à un degré maladif, il ne tient pas compte d'une manière absolue de tous ces waswas. Il en fait abstraction. Il ne leur accorde aucune importance. Il ne leur accorde aucune importance. Donc les savants ont mis en pratique ces hadiths dans tous les domaines de la religion, dans lesquels il peut y avoir des doutes et des certitudes. Quand on a une adoration dans laquelle il peut y avoir certitude et doutes, on prend en considération la certitude et on rejette le doute. Comme ça a dit Shawkani rahimahullah dans Nail Autar. An-Nawawi rahimahullah a dit, par rapport à ce hadith, le fait d'entendre un bruit ou de sentir une odeur, il a dit, ce hadith est une base, un fondement parmi les fondements de la religion de l'islam. Et une grande règle parmi les règles de la jurisprudence qui dit que la règle de base dans les choses c'est qu'elle reste dans le jugement initial jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à avoir une certitude qui change ce jugement. Et le doute n'a pas de conséquences sur l'adoration. En autre terme, l'adoration qui est valide, elle restera valide. Même si tu as des doutes, elle restera valide jusqu'à avoir une certitude que l'adoration est devenue invalide. Mais sinon, on rejette le doute. Il l'a dit dans son explication de l'authentique de l'imam muslim. Et dans le livre d'Allah aussi, les versets qui donnent ce sens sont très nombreux. Les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à suivre la certitude et à ne point accorder d'importance au doute sont très très nombreux dans le Coran, comme sa parole. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif, la plupart d'entre eux ne suivent que des conjonctures. Or les conjonctures ne permettent en rien de se passer de la vérité. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Aussi dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Dans le sens approximatif, ils n'en ont cependant aucune science et ne font que de suivre des suppositions. Or, les suppositions ne sauraient dispenser en rien de la vérité. Et les versets, comme j'ai dit, dans ce sens, sont extrêmement nombreux dans le livre d'Allah. Tayyib. après cette introduction, nous allons voir quelques remèdes et quelques moyens qui nous aident à nous débarrasser de l'ouswas de Shaitan. Shaitan, bien évidemment, il ne va jamais te lâcher. Mais on parle de certains degrés maladifs par lesquels certains parmi les croyants peuvent être touchés. Mais Shaitan, tu peux en être sûr qu'il va jamais t'abandonner et qu'il ne va jamais être lassé de t'induire dans l'erreur, dans l'égarement. Et Shaitan, pour yani parmi les sciences très bénéfiques, c'est de connaître ton ennemi et de connaître son mode de fonctionnement. Ça, c'est parmi les sciences très très bénéfiques. Et plus tu connais ton ennemi, plus tu peux te préserver de plus tu peux te préserver de tomber dans ces pièges. Naam. Al-Shaytan, ya ikhwa, il s'attaque aux croyants après une étude de cette personne, après une analyse, un diagnostic de ce croyant. Il regarde ses tendances, les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas. C'est pour ça, Shaitan, il l'attaque du côté faible chez lui, yani du côté de ses penchants, du côté des choses qu'il aime. Il ne va pas le tenter avec une chose qu'il déteste, bien évidemment. Ou il ne va pas l'attaquer dans un domaine où il est extrêmement fort. C'est pour ça que tu trouves que quand Shaitan il voit en la personne une certaine faiblesse, un certain fainéantisme, et il va toujours opter pour le minimum dans sa religion, dans ses adorations. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Quand il le voit comme ça, à votre avis, il va l'attaquer par quoi? Il va essayer de le tenter par quoi? Naam, j'ai dit que c'est pour ça cette catégorie de personnes, la première catégorie, Shaitan, il va le faire tomber dans les négligences, dans les péchés. Et il va le pousser à aller dans le sens de ses envies, de ses passions, jusqu'à ce que cette personne, tu vas la trouver très forte dans la réalisation de ses envies et de ce qu'elle aime, très faible dans ce que Allah aime. Contrairement à une autre personne qui est forte, déterminée, armée d'une grande volonté, même parmi le kuffar, je disais. Même parmi le kuffar. Tu trouves des personnes, même parmi le kuffar, quand il se fixe un projet, il va faire une étude, il va faire un plan, et il va tout mettre en œuvre pour le réaliser et pour atteindre son objectif. De même, parmi les croyants, il y en a qui sont comme ça, déterminés, forts dans ce qu'ils veulent. Cela, Shaitan, quand il vient, il va les tenter par l'exagération et non pas par la négligence, car c'est des gens de nature, ils ne vont pas vers la négligence. Mais il veut toujours mieux. Celui-là, il va essayer de le tenter par l'exagération. C'est pour ça une personne comme ça, elle peut tomber dans les pensées de l'Khawarij, les égarements de l'Khawarij. Et la première, elle peut tomber dans les égarements de Sophia et de l'Murji'a. Sophia, ils se réunissent, ils mangent, ils dansent, ils font des soi-disant adhkar en dansant, en chantant, et ils ramènent des femmes entre eux. Et le Mohim Hadawa Sophia, la religion de Sophia. Contrairement à un Khariji, Il va jamais faire ça. Peut-être même avant l'islam, il fera pas ça. Lakin, il aura une tendance à rendre mécréants les musulmans, à considérer que c'est pas des musulmans, c'est pas possible. Un musulman comme ça, dont les péchés, du matin au soir, pour lui, c'est pas possible, c'est pas imaginable. Et ce sens-là a été dit par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre « Ighathatul Lahfan min Masaid al-Shaytan », un livre précieux. Il y a deux livres comme ça, un de l'imam Ibn al-Qayyim et le deuxième est de Ibn al-Jawzi, qui s'appelle « Telbis Iblis ». Ce sont deux livres précieux, très recommandés pour tout croyant de les avoir et de les lire. Car il t'apprend à connaître ton ennemi, Shaitan, et comment ne pas tomber dans ses pièges, et comment ne pas tomber dans ses ruses et stratagèmes. Il dit, l'imam Ibn al-Qayyim, en rapportant ça d'un salaf, « Ma min amrin, ma amara Allahu bi amrin, illa wa li shaytani fihi nazghatan, imma ila tafriitin wa taqsir, wa imma ila mujawazatin wa ghulu, wa la yubali bi ayyihima zafar. » Il n'y a pas une chose qu'Allah a ordonnée sans que Shaitan repousse les gens de cette chose qu'Allah a ordonnée, que ce soit vers l'exagération ou la négligence. L'exagération ou la négligence. Et peu importe pour lui dans quel extrême il fait tomber le croyant. Et peu importe pour lui vers quel extrême il fait tomber le croyant du moment qu'il le fasse sortir de ce juste milieu qui est l'ordre d'Allah. Ce que Allah a ordonné, c'est ça le juste milieu. Shaitan, il essaye de faire sortir la personne vers l'extrémisme par rapport à cet ordre d'Allah ou la négligence. Et quand tu as compris cela, tu réalises la difficulté, la grande difficulté même, de rester attaché et cramponné à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et à la religion de l'islam dans son authenticité. Car chaque vérité se trouve entre deux extrêmes. Chaque guidée se trouve entre deux égarements. Et ce qui est demandé, c'est de ne pas aller avec ta nature. Car il y a des gens, ils ont une nature, ils aiment la dureté. Il y a des gens, ils ont une nature, ils aiment la souplesse. Ils penchent vers Rahma, la miséricorde, le pardon. Et d'autres, non, ils penchent vers la punition, la vengeance. Donc, il faut que tu sois en conformité avec ce que Allah veut de toi. Et non pas avec le côté vers lequel tu penches dans ta nature humaine. Et c'est ça qui te permet de réaliser la difficulté de l'attachement à la religion de vérité, telle qu'elle a été révélée et telle qu'elle a été pratiquée par le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses nobles compagnons. Et l'imam Ibn al-Qayyim a poursuivi en disant que la plupart des gens, Iblis a réussi à les faire sortir de ce juste milieu vers un des deux extrêmes. L'extrême de l'exagération ou l'extrême de la négligence, à l'exception d'une faible minorité qui est restée attachée à la voie droite sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons. Fin de sa citation. Tayyib ya ikhwa, là, on a compris ce que c'est cette waswasa et que ça peut toucher le croyant dans tous les domaines. Et le domaine favori, bien évidemment, pour Shaitan, c'est la croyance, comme c'est arrivé à ce compagnon. Mais quand il réussit pas, il ne va pas abandonner. Ne pense pas que parce que Allah t'a permis de le combattre au niveau de l'aqida et que t'arrives à repousser ses attaques, qu'il va abandonner. Non, Shaitan, il n'abandonne jamais. Il ne se lasse jamais. Il ne désespère jamais. C'est comme ça Allah Azzawajal l'a créé. Il a continué à essayer avec l'élite des fils de Adam, qui sont les prophètes et messagers. Alors ne crois pas qu'il va t'abandonner et qu'il va désespérer de t'égarer. Donc, Shaitan, il attaque la personne dans laquelle il y a du bien. Par contre, la personne dans laquelle il n'y a pas de bien, il n'en a rien à faire de cette personne. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, quand ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on a, nous les croyants, quand on est dans la salat, on a tellement de pensées qui nous viennent. Alors que les juifs, quand ils sont dans leur salat, ils sont concentrés, ils pleurent. Il leur a dit, écoutez la réponse d'un faqih, d'un grand savant. Ça, c'est l'apparence par laquelle a été leurré quelqu'un qui n'a pas de profondeur dans la science, qui n'est pas ancré dans la science. Mais le savant, il n'est pas leurré par les apparences. Il a dit, qu'est-ce que Shaitan a à faire d'une maison démolie? Et les savants, ils comparent Shaitan au voleur. Le voleur, quand il passe par une maison dans laquelle il y a beaucoup de choses qui peuvent être volées, bien évidemment, il va commencer par la chose la plus précieuse. S'il n'y arrive pas, est-ce qu'il repart les mains vides? Non, il essaye de prendre une chose qui a une moindre valeur, mais quand même qui a de la valeur, et ainsi de suite. Mais quand il passe devant une maison dans laquelle il n'y a rien, il ne va pas essayer de rentrer dans la maison et de regarder, car il sait déjà qu'il n'y a rien à voler. C'est comme ça, Shaitan qui veut voler ta religion. S'il peut voler le maximum et le summum de ta religion qui est ta croyance, ça c'est l'objectif, son objectif le plus élevé. Et s'il n'y arrive pas, il passe à autre chose. Donc, parmi les moyens qui nous aident à nous débarrasser de l'ouaswas de Shaitan, premièrement, c'est de ne pas accorder de l'importance à ces ouaswas et aux doutes qu'ils jettent dans nos cœurs et d'en faire abstraction et de ne pas s'en soucier et d'oublier ses ouaswas et de se préoccuper par autre chose profitable. Quand un ouaswas vient, ne lui donne aucune importance et préoccupe-toi et pense à d'autres choses qui est bénéfique pour toi. Tu es dans la salat, il te dit du gaz est sorti de toi. Tu as perdu les ablutions. Tu lui dis comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu lui dis tu as menti. Et tu continues ta salat jusqu'à sentir une odeur avec ton nez. Ou, il y en a des fois, tu peux sentir l'odeur avec ta raison. Il y en a, tu penses tellement que tu as eu alors que tu n'as rien eu. Tant que ça ne vient pas dans le nez, religieusement, il ne t'est pas demandé d'arrêter la salat. Au contraire, il t'est demandé de continuer la salat. Et si jamais tu as le malheur d'arrêter la salat, alors que tu n'es pas arrivé à cette certitude sur laquelle tu peux jurer par Allah que c'est sorti, tu auras obéi à Iblis et c'est le début de ton calvaire. Et c'est le début de la persécution de Shaitan. C'est le début des angoisses. C'est le début d'une vie difficile. Wallah musta'an. Qu'Allah nous en préserve tous et qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs touchés par cette maladie. Tayyib. Donc ça c'est la première astuce que tu dois noter. Quand l'ouaswas arrive, tu dois en faire abstraction. Et tu ne dois et tu ne dois pas lui accorder de l'importance. Et tu dois continuer dans ton adoration et te préoccuper par ce qui est profitable. T'es dans la salat, ya akhi. Qu'est-ce que t'as pensé à le, c'est sorti ou c'est pas sorti? T'es en train de réciter le Fatiha, tu médites les versets de le Fatiha. T'es en train de faire recours, tu médites la position de recours, cette position que tu ne feras pas pour le plus grand roi de la terre, et tu ne feras pas contre toutes les fortunes qui ont existé sur cette terre depuis son début jusqu'à sa fin, et que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu médites ce que tu fais. Et tu te préoccupes par ce qui est profitable pour toi. Et laisse de côté le waswas de shaitan. Deuxième astuce, c'est de défier ton ennemi qui jette ses waswas dans ton cœur, de le défier, comme le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et de lui faire comprendre que le fait de t'attaquer avec ses waswas, c'est parce que t'es un croyant. Le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, quand sahabi lui a dit, Shaitan, il vient, il me dit, c'est qui a créé ça, c'est qui a créé ça, c'est qui a créé ça? Jusqu'à le mener graduellement vers la question, pour le perturber dans sa aqida, le Nabi alayhi salam, il lui a enseigné, il lui a dit, ça c'est sarihul iman, ça c'est la foi ferme. Le fait d'être touché par ce waswas et de le détester comme ce compagnon l'a détesté, ça c'est un signe de d'une grande foi. Donc le signe de la grande foi, c'est de détester cette pensée qui ne vient pas de toi en réalité. Qui ne vient pas de toi. C'est pas possible que t'aies cette pensée. Elle vient de Shaitan. En plus qu'elle vient pas de toi, tu l'as détestée à ce point-là. Ça, c'est un signe d'une grande foi. Également, parmi les moyens, c'est de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, n'a pas chargé ce serviteur par une chose qui est au-dessus de leur capacité. Allah Azza wa dit, « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Il ne la charge que de ce qui est possible pour elle, ce qui est dans ses capacités. Et le fait de repousser cette waswasa, c'est pas dans ta capacité. Shaitan, il vient, il jette ses pensées dans ton cœur. Toi, tu dois mettre en pratique la première astuce qui est de ne pas lui donner de l'importance et savoir que cette attaque de Shaitan, c'est à cause de ta foi, c'est à cause de ton attachement à ta religion. Et ça te suffit. Ça te suffit. Également, de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné et ne nous blâmera pas pour ces waswas. Tout d'abord, pour la raison que j'ai citée avant, que ce n'est pas dans ta capacité de ne pas avoir ces waswas. C'est Shaitan qui vient et qui murmure avec dans tes oreilles. Il les jette dans ton cœur. Et aussi, parce que tu les as détestés. Et tu n'as pas cru en ces waswas. Et tu n'as pas suivi Shaitan, que ce soit dans les paroles ou les actes, ou les croyances. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, « Inna Allah tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam » Le Nabi sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné pour cette communauté tous les waswas qu'ils trouvent dans leur poitrine, sauf ce qu'ils ont mis en pratique ou avec quoi ils ont parlé. Tant que tu ne mets pas en pratique, tant que tu ne prononces pas des paroles graves, sache que c'est pardonné. C'est pardonné. Et ça peut se transformer en une grande bonne action, le fait de détester ces choses-là. Aussi de savoir, Ya Akhil Karim, que c'est rare les personnes qui sont épargnées de ces waswas. Mais les personnes, la différence, c'est comment ils se comportent avec ces waswas et la quantité de waswas par laquelle ils sont touchés. Mais sinon, personne n'est épargné de ces waswas. Ces waswas peuvent toucher même l'élite de cette communauté qui sont les compagnons, comme on a vu dans l'Ahadith. Même certains compagnons ont été touchés. Aussi de savoir que ces waswas se dissipent aussitôt et disparaissent aussitôt quand le croyant, il en fait abstraction et il suit les recommandations de son prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce domaine. Et quand Shaitan y jette ses waswas, pense à autre chose. Et pense à autre chose qui est profitable pour toi. Selon la situation dans laquelle tu es. Également parmi ce qui est recommandé pour celui qui est touché par le waswas, ce qui a été rapporté dans ce hadith, rapporté par l'imam Abu Daoud, jugé Hassan par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, anna Aba Zumaylin, qal, sa'altu ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ma shay'un ajiduhu fi sadri. Donc Zumayl, Zumayl un tabi'i, il dit, j'ai interrogé Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il lui a dit, c'est quoi ces choses que je trouve dans mon cœur, dans les pensées, dans le cœur, des choses, waswas. Il lui a dit, c'est quoi? Abu Zumayl a dit, Wallahi ma atakallamu bih. Il a dit, par Allah, je ne prononcerai pas ce que ces pensées-là qui me traversent l'esprit. Yani, il ne peut pas les prononcer. Pour lui, c'est très grave. Abdullah ibn Abbas lui a dit, Ashay'un min shakkin, qala wa dhahik, qala ma naja min dhalika ahad. Il lui a dit, est-ce que c'est des doutes? Et Abdullah ibn Abbas a souri. Il a dit, personne n'est épargné de ça. Personne n'est épargné de ça. Et ensuite, il lui a dit, إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Il lui a dit de répéter ce verset dans Surat Yunus. De répéter ce verset dans Surat Al-Hadid. Dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Il est le premier et le dernier. Il est le premier, rien ne l'a précédé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier. Il a toujours existé, subhanahu wa ta'ala, et il est le dernier. Rien n'existera après lui. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il est le dernier sans fin. Il est le premier sans début. وهو الظاهر والباطن. الظاهر, c'est celui qui est au-dessus de toutes ces créatures. Dans la traduction, ils disent le patent. والباطن, ils disent le latent. Là qui le sens, c'est ça. الظاهر, c'est celui qui est au-dessus de toutes ces créatures. Rien n'est au-dessus de lui. Al-Batin, celui où rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Et il est de toutes choses savant, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imam Ibn Qayyim dit par rapport à ce athar que Abdullah ibn Abbas lui a recommandé de dire ce verset qui permettra de mettre fin à cette série de questions posées par Shaytan. Allah, il est le premier sans début. Il est le premier sans commencement, car il a toujours existé, subhanahu wa ta'ala. Et il est le dernier. Subhanahu wa ta'ala. Car toutes les créatures auront une fin. Et le Créateur n'a pas de fin. Subhanahu wa ta'ala. Il est éternel. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc, ça, c'est quelques astuces. Là, on a vu également que la ruse de Shaytan devient faible quand le serviteur y revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, notamment avec les formules de l'isti'ada qui n'ont été légiférées. L'isti'ada, la demande de refuge et de protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shaytan, il peut toucher le serviteur dans salat. Il y a un shaytan qui est spécifique au waswas de shaytan, qui s'appelle al-khinzab, des shayatines pour les ablutions, mais le nom n'a pas été rapporté authentiquement comme on a vu. Ils disent al-walahan, mais ça a été rapporté dans un hadith faible. Donc, de tout cela, on voit l'importance de se conformer à la sunna et de s'attacher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour rendre caduques toutes les ruses et tous les stratagèmes de shaitan. Quand le serviteur y revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan ne peut rien contre lui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi ces astuces pour celui qui est touché par le waswas dans la purification dans Tahara, c'est de prendre un peu d'eau et de l'asperger au niveau de ses sous-vêtements. Comme le Nabi alayhi sallam nous a enseigné. Et on a vu que l'imam Ahmad, quand quelqu'un lui a demandé qu'il sent que quelque chose est sorti de lui, il lui a dit « Prends un peu d'eau et asperge-le au niveau de tes sous-vêtements, et après, oublie toutes ces pensées. Oublie toutes ces pensées. » Également de savoir que les souliers ou les chaussons, quand on marche dans un endroit dans lequel il peut y avoir une impureté, il suffit de marcher par la suite dans un endroit pur pour qu'il devienne pur. Et que la terre permet de purifier toutes les impuretés par lesquelles peuvent être touchées les souliers du serviteur. Et ça, c'est valable aussi pour ce que la femme laisse traîner de ses vêtements. La femme, elle laisse traîner son jilbab, il touche la terre. L'obligation, c'est que le jilbab arrive au niveau de la terre pile poil. Ça, c'est l'obligation. Et elle doit couvrir la totalité de son corps. Et la divergence, c'est au niveau des mains et du visage. Après, c'est une sunna de laisser traîner d'une longueur égale à un nampon. Et le maximum, c'est une longueur égale à une coudée. Et c'est pas autorisé de laisser plus. Donc si la femme, elle laisse traîner une partie de son vêtement par terre, et elle marche dehors, forcément, ça peut toucher des impuretés. Mais la terre permet de purifier toutes ces choses-là. Alhamdulillah. Ça, c'est, on réalise la facilité dans la religion de l'islam. la facilité dans la religion de l'islam. Également, il a été rapporté que dans la mosquée, les chiens peuvent venir dans la mosquée du prophète alayhissalam. C'était ouvert, il n'y avait pas de porte. Et ils pouvaient faire leurs besoins. Et ça n'a pas été rapporté que les compagnons, ils venaient, ils nettoyaient. Yani, ils se contentaient de la purification qui arrivait avec le soleil. Ça a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Selon Abdullah ibn Omar, « كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد » Les chiens, ils venaient, ils urinaient, ils rentraient, ils sortaient de la mosquée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ne versaient pas d'eau sur les endroits par lesquels ils passaient. Également, parmi les choses à savoir, c'est le consensus et l'unanimité des musulmans que l'istijmar, le fait de se purifier avec une pierre ou ce qui remplace la pierre à notre époque comme le papier, est suffisant pour avoir une purification complète, à condition d'utiliser 3 fois quand c'est la pierre ou là le papier. L'eau, si une fois suffit, ça suffit. Si une fois permet d'arriver à la purification, une fois suffit alors, quand c'est de l'eau. Mais par contre, quand c'est le papier ou la pierre, il faut faire 3 fois minimum. Donc, les musulmans sont unanimement d'accord que ça, c'est suffisant. En été comme en hiver. Et le Nabi alayhi sallam, il faisait ça. Donc, il ne faut pas voir en quelque chose avec laquelle se purifie le Nabi alayhi sallam, comme s'il y a un manque, comme c'est pas assez. Ça, c'est le début, une porte que tu ouvres pour Shaitan. Également, le Nabi alayhi sallam, comme on a vu, il priait en portant sa petite fille Umama, la fille de Zainab, radiallahu anha, et il la portait quand il faisait salat. Et jamais quelqu'un n'est venu lui dire est-ce que peut-être qu'elle a uriné, peut-être que quelque chose est sorti d'elle. Et on sait que les enfants, ils peuvent sortir, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de l'enfant, surtout quand il est petit. De la bave, de la salive, il peut vomir, des choses comme ça, mais An-Nabi alayhi salam, il le faisait. Nabi alayhi salam, il dormait à côté de Aïcha radiallahu anha, pendant qu'elle avait ses menstrues. Et jamais il ne s'est levé pour se nettoyer, par précaution peut-être que son corps a été touché par du sang impur ou autre. Tout ça vous montre la facilité dans cette religion. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Un jour, il est passé. Il était dans un voyage, ils sont passés par un bassin d'eau. Et ils ont voulu en boire et faire leur purification. Quelqu'un parmi ceux qui étaient avec lui dans ce voyage a demandé à la personne à laquelle appartient ce bassin, est-ce que c'est pur? Est-ce qu'il y a des animaux qui viennent boire ici, qui l'ont rendu impur ou quelque chose comme ça? Omar l'a interpellé aussitôt, il lui a dit, ne nous informe pas. Car la règle de base, c'est que c'est pur. Et il a été rapporté de lui beaucoup de choses comme ça. Un jour, il est passé devant le toit d'une maison. Sur son extrémité, il y avait comme une gouttière qui laissait tomber des gouttes. Et c'est tombé sur Omar, radiallahu anhu. Celui qui l'accompagnait, il a demandé, est-ce que cette eau est pure au propriétaire? Omar l'a interpellé également, Il lui a dit, ne nous informe pas. Il lui a dit, ne nous informe pas. Car la règle de base dans l'eau est qu'elle est pure. Compare ça à l'état de ceux qui sont touchés par l'ouswas. Il est touché par une eau, il ne sait pas d'où elle vient. Pire encore, elle vient d'une gouttière ou là quelque chose comme ça. Pour lui, c'est fini. Il doit faire une douche. Et ça, c'est, ça peut paraître comme de la propreté. Mais ça peut ouvrir la porte pour des waswas, comme on a vu. C'est pour ça l'imam Ibn Qayyim, quand il a rapporté ses récits de Omar Ibn Khattab, il a dit, ça c'est la science. Ça c'est la vraie jurisprudence. Et ça c'est la bonne compréhension. Car rien n'est obligatoire sur le serviteur. Et la règle de base dans ces choses-là, c'est que c'est pardonné. Jusqu'à ce qu'il sache avec certitude que c'est impur. Là, ça devient obligatoire pour lui de se purifier. Sinon, ça reste dans le pardon. Dans le pardon, tant qu'il ne sait pas avec certitude que c'est impur. Et aussi, les musulmans, ils priaient en ayant du sang sur leur corps, quand ils étaient surtout dans les combats, ils avaient du sang sur le corps, ils priaient avec. Et les choses comme ça sont très très nombreuses dans notre religion. Nabi alayhi salam a fortement blâmé ceux qui exagèrent. Et comme a dit Mis'ab, rahimahullah, il a rapporté de Abdullah, radiyallahu anhu, du prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il était celui qui était le plus dur avec ceux qui tombent dans le relou, dans l'exagération. Il a dit, je n'ai pas vu quelqu'un aussi dur que le prophète, alayhi salatu wassalam, après lui, sur ceux qui tombent dans l'exagération, comme Abu Bakr, et après Abu Bakr, comme Omar. Taïb, on va terminer avec des remèdes tirés du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salam pour le waswas. Le premier remède, le remède le plus important, c'est ad-du'a, l'invocation. Et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala complètement et de placer sa confiance en lui. De placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la chose la plus importante pour toi. Toi, mon frère, ma sœur, touché par l'ouest, ça, c'est la chose la plus importante. Car il n'y a pas une adoration plus aimée par Allah comme le dua. Et le dua, c'est l'adoration. Le dua, c'est le tawhid. D'invoquer Allah seul et de ne pas invoquer autre que lui. Donc ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. C'est que l'issue pour toi se trouve dans l'invocation d'Allah et de s'en remettre à lui et de placer totalement ta confiance en lui. Également, parmi les choses importantes, c'est de prendre conscience de la nécessité de se soigner. Donc, ça c'est très important. Que tu prennes conscience de la nécessité de te soigner. Parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver à un état où ils voient que, en fin de compte, je suis comme ça, c'est comme ça, et ils baissent les bras, ils se laissent aller dans ça, et en réalité, sa situation ne fera que s'empirer. Non, tu dois prendre conscience de la nécessité et de l'urgence de te soigner. T'es touché par quelque chose qui peut se transformer en une maladie extrêmement dangereuse. Ça peut faire sortir la personne de sa religion. Ça peut pousser le croyant vers l'apostasie. Donc, ça c'est un point très très important. Également, on doit faire preuve d'endurance et de patience et de résistance. Car c'est des choses à la base qui sont pas faciles, sauf si Allah te les facilite. Donc, le serviteur doit faire preuve de patience et d'endurance et de résistance. Et celui qui fait des efforts dans le sentier d'Allah, Allah lui facilite. Allah Azza wa Jalla dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui luttent pour notre cause, nous les conduirons vers nos chemins. Allah est certes avec les bienfaiteurs. Donc ceux qui font des efforts dans le sentier d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitera l'emprunt des chemins de la guidée. Et Allah leur accordera la guidée. Donc c'est pour ça que tu dois faire preuve de patience et d'endurance et de persévérer et de continuer à t'attacher et de ne jamais désespérer. Car tu es dans une forme de jihad. Tant que tu continues à t'attacher à ta religion et à repousser ses waswas. Également, parmi les choses très très importantes pour la personne touchée par le waswas d'une manière générale, c'est dhikrullah. C'est de faire beaucoup de dhikr et de remplir son temps avec dhikr, notamment la récitation du Coran avec méditation et compréhension. Et c'est ça qui peut manquer à certains de nos frères et sœurs qui ne comprennent pas la langue arabe. Et ça, ça nous permet de rappeler l'obligation et l'urgence et la grande importance d'apprendre la langue arabe. Car c'est le seul moyen de comprendre le Coran correctement et d'avoir une compréhension du Coran. La traduction, ce n'est qu'une traduction d'un seul sens du verset. Et c'est une traduction approximative à travers laquelle tu ne pourras pas réaliser les différents aspects miraculeux du Coran, notamment dans le style, dans les termes utilisés, et ainsi de suite. Le Coran, tu le récites sur un ammi. Ammi dans un pays d'islam, arabophone, tout en sachant que dans les pays arabophones, malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas le Coran. Mais malgré cela, le fait d'avoir des bases et le fait de connaître Darija, le dialecte, et le dialecte dont sa grande majorité est tirée de la langue arabe. C'est des déformations, des simplifications. Tu peux trouver des termes qui ont été pris de d'autres langues étrangères, mais la grande majorité des dialectes dans les pays de l'islam, arabophones, bien évidemment je parle des pays arabophones, est tirée de la langue arabe. C'est pour ça, rien qu'avec Darija, il comprend un minimum quand il entend les versets du Coran. À l'écoute du Coran, même la personne qui vient des montagnes, elle est touchée. Et il entend le Coran, il pleure. La force de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. De faire beaucoup de dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mais de méditer ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire subhanallah? Purifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire qu'il est exempt de tout défaut et de tout manquement. Ce qui implique lui attribuer toute la perfection. La perfection absolue. Qu'est-ce que ça veut dire, alhamdoulilah? Et ainsi de suite. C'est important de comprendre ce que tu dis. Ça aura beaucoup plus d'effet. que quelqu'un qui répète sans comprendre, mais c'est bénéfique même pour celui-là. Donc ça, c'est le quatrième point très très important. Aussi, le cinquième point, parmi ces remèdes très efficaces, c'est adhkar sabah wal masa ou adhkar naum. Adhkar l'istiqav, adhkar naum. Adhkar quand tu te réveilles, quand tu vas pour dormir. Adhkar du matin, adhkar du soir. Adhkar du matin, le mieux, c'est de les faire directement après salat, subh. Après avoir fait les adhkar de salat, tu fais adhkar sabah. Car le plus rapidement tu les fais, plus tu vas en tirer profit. Et plus tu auras ces protections qu'Allah a promis pour ceux qui disent c'est adhkar. Et aussi pour l'adhkar de sabah et le masa, c'est important de comprendre un minimum. Donc ça, c'est parmi les grandes protections qu'Allah nous a mis à notre disposition. Et essaye de dire tout ce qui est cité dans l'adhkar que tu trouves, par exemple, dans la citadelle du musulman. Tout ce qui est cité, tu peux le dire en 5 minutes. Allez, grand maximum 10 minutes. Mais tu vas en tirer profit et tu vas avoir une sérénité, un apaisement dans ta journée. Il y a un dhikr que je vous recommande en particulier. Surtout pour les personnes touchées par un waswas obsessionnel, ce qu'ils appellent le waswas al-qahri, c'est de ne jamais louper de faire ce dhikr qui est rapporté dans sunna matin et soir. Et ce dhikr pour le faire, si tu le fais yani avec une grande méditation, ça te prend 5 minutes. On va dire ça va te prendre 10 minutes. Mais wallahi, si tu le fais, tu vas sentir une différence dans une journée dans laquelle tu l'as fait et une autre journée dans laquelle tu ne l'as pas fait. Car Nabi alayhi salam a dit que celui qui répète 100 fois « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir » il sera à l'abri du mal de shaitan dans sa journée, jusqu'au soir. Et celui qui le dit le soir, jusqu'au matin. Donc tu as adhkar sabah, et dans adhkar sabah, il y a ce dhikr. Mais je le mentionne pour sa grande importance. Et car c'est très très bénéfique pour la personne touchée par ce mal. C'est important pour tout le monde. L'ulama, alhamdoulilah, j'ai vu des ulama qui, de nos savants, qui font ce dhikr tous les jours, matin comme au soir, 100 fois, ils s'assoient, ils répètent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir. Et ne crois pas parce que tu as beaucoup de science que tu vas te passer de ces adhkar. Au contraire, c'est les hommes de science qui en ont le plus besoin. Car les attaques qu'ils subissent de shayatin sont beaucoup plus fortes que nous. Car ils sont meilleurs que nous. C'est logique et ça coule de source. C'est pour ça, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, quand Ibn al-Qayyim l'a vu, son élève l'a vu, après Salat Subh, il reste assis dans sa place dans laquelle il a prié à faire l'adhkar et à réciter le Coran, en particulier Surat al-Fatiha. Un jour, il l'a vu répéter Surat al-Fatiha depuis qu'il a commencé, après Salat Subh, jusqu'à la moitié de la matinée. Yani, on peut dire, nous, jusqu'à 10 heures, à peu près. A répété Surat al-Fatiha. Et quand il est venu l'interroger, il lui a dit, ça c'est ma nourriture. Si je l'abandonne, je serai faible. Et je n'aurai pas de force. Taïb, aussi parmi ce qui est très important, c'est l'isti'ada. Donc l'isti'ada, ça fait partie de l'adhkar. Mais on la mentionne à part pour sa grande importance. L'isti'ada, le fait de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De dire, C'est-à-dire une des formules qui ont été rapportées, les formules sont nombreuses. Par exemple, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaytan. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Le Shaytan lapidé. Et de bien comprendre l'isti'ada et de la répéter avec certitude en cherchant refuge et protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal du shaitan. Contre le mal du shaitan et contre tout mal. Contre le mal du shaitan et contre tout mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dans ce verset, il dit « إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ». Et si Shaitan te tente par quelque tentation, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend tout, il est omniscient. Il entend tout, et il est omniscient. Et les formules de l'isti'ada, vous pouvez revenir à un livre de Adhkar. Il y en a plusieurs qui ont été rapportés. Également, parmi les remèdes importants que j'ai cités précédemment, mais je le répète ici, c'est de ne pas tomber dans le piège de Shaitan et de continuer avec lui dans une série de questions-réponses et d'arrêter immédiatement et de stopper immédiatement. Et de ne pas rentrer dans un dialogue où là, est-ce que tu as fait, oui, tu commences à réfléchir, oui, c'est sorti, c'est pas sorti. Non, tu dois arrêter immédiatement et dire parmi les adhkar qui ont été rapportés comme « huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin » comme on a vu, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Également, le huitième remède que je cite ici, c'est d'être en compagnie des pieux et des vertueux. D'être en compagnie des vertueux, car leur compagnie éloignera de toi Shayatin. Ceux qui vont te conseiller, ceux qui vont t'orienter. Et bien évidemment, Shaytan, quand il s'attaque à une proie, à une victime, il fait tout pour tout d'abord l'isoler et l'éloigner surtout des personnes qui peuvent lui être profitables, et en particulier dans ce domaine. Et ça, c'est des phénomènes que j'ai connus personnellement. La personne, elle trouve une grande difficulté à rentrer en contact avec quelqu'un qui peut lui être profitable, et ça vient de Shaitan. Pour mieux la contrôler, pour mieux la maîtriser, faut couper ces contacts-là qui peuvent donner des bonnes orientations et des bons conseils dans ces domaines. Donc, c'est très important d'aller dans le sens inverse et d'être en compagnie des vertueux et des gens bien qui vont t'aider dans les affaires de dunya et de l'akhirah, inshallah. Également, un neuvième remède, et ça c'est encore plus difficile à mettre en pratique que celui qui a précédé. Car la personne, elle peut être en compagnie des gens bien, mais qu'elle cherche à apprendre par elle-même et demander la science par elle-même, ne serait-ce que consacrer une seule heure par semaine d'apprentissage, ça c'est encore plus difficile. Car Shaitan, il va l'alourdir dans l'apprentissage plus que dans tout le reste. Il y en a l'apprentissage, c'est de sortir des ténèbres de l'ignorance et l'obscurité de l'ignorance vers la lumière de la science et de la guider. Shaitan, c'est beaucoup plus facile pour lui de maîtriser et de contrôler une personne qui est ignorante et qui n'apprend pas. Contrairement à quelqu'un qui a de la science, même s'il le fait tomber dans un piège, il le réalise qu'il est tombé dans un piège. Il connaît le remède. Et il sait que le seul moyen de s'en sortir, c'est de suivre les remèdes de la religion. C'est pour ça, c'est important pour nous tous d'apprendre notre religion, à commencer par le plus important qui est l'aqida et le tawhid. Le dixième remède, c'est d'interroger les hommes de science et les étudiants en science quand on a des problèmes de ce genre, de revenir aux hommes de science et de les interroger afin d'agir avec science et clairvoyance. Afin d'agir avec science et clairvoyance. Donc ça, c'est en résumé ce qui peut être dit par rapport à ces remèdes que si jamais la personne, elle met en pratique tout en plaçant sa confiance en Allah et qu'il est le seul qui puisse la guérir et éloigner d'elle le mal de Shaitan, elle sera guérie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de terminer, il y a une forme, la forme la plus grave de l'waswas, c'est ce qu'on appelle l'waswas al-qahri. L'waswas al-qahri. Ce waswas, ça va toucher le croyant d'une manière quotidienne, dans des choses qu'il fait tous les jours, et ça va se répéter dans sa vie, tous les jours. D'où la difficulté de ce waswas. L'waswas al-qahri, c'est un waswas involontaire. Ça veut dire la personne, elle aura des sensations, elle aura des pensées, des idées qui vont s'imposer à l'esprit d'une façon répétée et constante et dont elle parviendra pas à se libérer. Et ça, c'est ces sensations, ces doutes, ces pensées, ces idées. Toutes ces choses-là, ça peut être dans différents domaines. Mais ce qui regroupe toutes ces choses-là, c'est que ça va arriver d'une manière involontaire. Et ça va la persécuter dans sa vie. Et ça va se répéter tout le temps. Malgré que la personne elle-même, au fond d'elle, elle réalise le caractère absurde de ses waswas. Elle réalise au fond d'elle, quand tu lui poses la question, la personne a des pensées de mécréance. Shaitan lui dit, t'es sorti de l'islam, t'es un mécréant, t'es un hypocrite, tu montres l'islam, mais au fond de toi, regarde ce que t'es. Si tu lui demandes à cette personne, elle te dit, non, moi je crois pas en cela. Mais j'ai ces pensées. Et à cause de l'ignorance, elle peut finir par croire que ça vient d'elle. Alors que ça ne peut pas venir d'elle. C'est inimaginable. C'est inimaginable que ça vient d'elle. Mais pourtant, ça va être yani, des pensées ou des idées qui vont la hanter et qui vont s'imposer à elle. Et c'est pas elle qui va choisir, elle sera incapable de les repousser. Là, ça arrive à des degrés graves. Ça arrive à des degrés graves. Ça, il l'appelle le waswas al-qahri. Il l'appelle le waswas al-qahri. Et ce waswas, ils disent, on peut le qualifier ainsi quand quatre points sont réunis. Le premier, quand la personne, elle réalise au fond d'elle que yani, c'est complètement absurde. Cette pensée, elle est complètement absurde. Et elle est stupide. Et que c'est pas vrai. Et que ça mérite pas de l'importance. Et de lui donner de l'intérêt. Mais pourtant, elle va être victime de cette pensée. Donc malgré qu'elle réalise ce caractère absurde, elle va être quand même victime de cette pensée. Le deuxième point, c'est que la personne touchée par cette maladie, le waswas al-qahri, c'est une maladie réelle. Ça se diagnostique chez les médecins la personne peut subir une thérapie, et ainsi de suite. Après le remède, dans Sunna, et sans aucun doute le meilleur des remèdes, mais la personne des fois elle peut arriver à un degré où elle n'arrive pas à faire face. Donc le fait d'avoir une aide externe, une personne qui puisse la conseiller, être à ses côtés, l'aider à faire face à des problèmes par lesquels elle va être touchée au quotidien, est demandé. Donc le deuxième point, c'est que l'idée s'impose au patient. Et d'une manière répétée. Le troisième point, c'est que le malade ou la personne va rentrer dans une forme de résistance à ses pensées quasi permanente. Et le quatrième point, c'est que le patient, yani, arrive à un degré obsessionnel, où il n'arrive pas à repousser ses idées, ou à les stopper, ou à se préoccuper par autre chose. Et il va rentrer dans un cercle vicieux, et dans des angoisses très fortes. Cette maladie a ce diagnostic, comme j'ai dit, il l'appelle la névrose obsessionnelle. Quand la personne arrive à ce degré-là, si elle peut s'orienter ou être orientée vers un médecin musulman qui, en plus de sa science de la religion, il a cette science-là, est une chose demandée. Surtout quand la personne, yani pendant des années et des années, elle est toujours dans la même chose. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger tous contre le mal de toute créature ayant un mal et de nous préserver du mal de nous-mêmes aussi et de nous raffermir sur sa religion jusqu'à le rencontrer et de nous faire mourir sur le tawhid pur et la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Voilà pour ce cours avec lequel on termine cette série. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce que nous faisons et ce que nous disons soit sincère en ne voulant que sa satisfaction et son agrément et qu'il nous accorde à tous une bonne fin et nous fasse mourir dans le tawhid. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et un prochain cours إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته